le cygne. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir, où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur, qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tous ces camps de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillant au carreau le bric-à-brac en feu. Là s'étalait jadis une ménagerie, là je vis un matin, à l'heure où sous les cieux froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux. S'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînait semblant plumage près d'un ruisseau sans eau. La bête ouvrant le bec baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le cœur plein de son beau lac natal: oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu foudre? Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois, comme l'homme de vide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête à vide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Cherchant l'œil hagard, les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque perdu, ce qui ne se retrouve jamais, jamais. À ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve. Aux maigres orphelins séchant des fleurs. Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore.